Bonjour à toutes et à tous, très contente de vous retrouver en cette dans ce début de semaine pour vous tenir compagnie jusqu'à 13h dans cette première édition de cette semaine Carrefour de Chenantais. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 13h et aujourd'hui on va parler de la compétition de robotique organisée par le club robotique et innovation arts et métiers, donc qui fait partie de l'ENSAM à Meknès. Donc le club robotique et innovation arts et métiers, un espace de formation, de création et de débat qui rassemble depuis sa création en 2006 tout élève ingénieur de l'ENSAM Meknès doué de la robotique. Donc cette compétition nationale de la robotique, comme j'ai dit, organisée par le club robotique arts et métiers de Meknès, donc c'est la troisième édition de cette compétition nationale de la robotique. Elle est organisée sous le thème Make it smart, make it safe. Donc le rendez-vous de chaque année à ne pas manquer pour quiconque qui s'intéresse plutôt de près ou de loin aux robots et aux nouvelles technologies. Donc Cette compétition a accueilli des équipes venant des quatre coins du Maroc et voulant mettre à l'épreuve leur savoir-faire ainsi que partager leurs connaissances et compétences en sciences. Et bien évidemment, pour nous en parler, nous aurons avec nous Hanaa Farah. Donc, elle est étudiante en quatrième année. Donc, c'est Hanaa Mehdaoui. Elle est étudiante en quatrième année en électromécanique et système industriel. Il y a aussi Farah Fatni qui va répondre à nos questions. Elle est ingénieure étudiante en quatrième année en électromécanique et système industriel. Ils vont nous éclairer sur cette compétition et nous parler de la robotique et les nouvelles technologies et son importance pour les étudiants de l'ENSAM et pour notre pays, le Maroc, qui est bien évidemment en plein développement. 12h06, restez à l'écoute, nous sommes à 13h, donc on se retrouve, nous sommes ensemble, pardon, à 13h, jusqu'à 13h, donc on se retrouve juste après la musique. Retour sur Chenantais pour la suite de notre émission Carrefour de Chenantais. Bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous et merci de rester parmi nous jusqu'à 13h. Donc aujourd'hui, comme je dis, nous parlons de la troisième édition de la compétition nationale de la robotique qui a eu lieu du 21 au 22 avril. Donc ça a pris fin hier à Meknès sous le thème Make it smart, make it safe. Pour nous en parler, nous avons avec nous Hanaa Mehdaoui, Farah Fatni. Donc ce sont des élèves ingénieurs en quatrième année. Mesdemoiselles, bonjour. Allô? Bonjour. Ça a été coupé? D'accord. Donc, comme j'ai dit, cette troisième édition de la compétition nationale de la robotique est une initiative du club robotique et innovation arts et métiers relevant de l'école supérieure nationale d'arts et métiers, l'ENSAM à Meknès. Donc, cette édition a accueilli des équipes de tout le royaume qui ont mis à l'épreuve leur savoir-faire et ont partagé leurs connaissances et compétences en sciences. Et à l'issue de la compétition nationale de la robotique, le jury a proposé le classement, bien évidemment, des équipes, ou plutôt il a classé les équipes. Donc il est à noter que des conférences des chefs d'entreprise et des inventeurs ont été présents lors de cette compétition et les deux jours de la compétition. Donc avec nous, je pense Hanaa et Farah, non, pas encore. On va se faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.